pardon, ma soeur, tu vas où là comme ça? Mais viens moi, je m'en vais bouger les dents. Eh, pardon, ici, c'est couper les canettes, ton bolo même. Non, viens là, on va s'en jaillir. Comment est-ce que tu dis? Tu n'as rien à faire là, quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, qui voit toi là? Moi, je préfère les dents bolo originales. Ah, dis donc, on y va. Eh, la petite tonton. La petite tanda. Et qui goni goni boma la fou machine. La petite. Alors je suis taillé au foyer pour manger un peu ma vie qui m'a fait bébé à mon avis passé tout seul. Oh, ah, hey.